je m'appelle Albert, j'ai 65 ans, j'ai une femme et aussi une flopée d'enfants qui sont tous partis. Je suis seul dans mon appartement, autant vous le dire franchement, je m'emmerde sérieusement, j'ai attendu pendant un bon moment que l'occupation vienne, sûrement trop longtemps, mais je sentais pousser en moi, en dedans, comme une envie de vivre ce que je vis maintenant, maintenant le jour. Je suis Albert, la bonne âme et la nuit, non je ne suis pas Superman pour réaliser mes rêves. Je n'attends pas de féroce fan, je vais dans les cabarets déguisé en femme. Je fais couler le champagne, chante ce son, mes mélopées qui vous empoignent l'alcool et dents. On voit moins la différence entre Laurent et Laurence. Les gens m'aiment tel que je ne suis pas, le temps d'un soir peut-être, mais je ne m'en occupe pas, ça me plaît, c'est comme ça. Et même si ce n'est plus de mon âge, laissez-moi à mes talons aiguilles, mes robes, mes corsages, je reste le jour Albert, la bonne âme et la nuit. Je ne suis pas Superman, je m'arrobe et je deviens la reine de Pigalle quand je vais dans les cabarets habillé en femme. Les gens valent sur l'histoire d'un travelot, moi ça fait marrer. Les gens valent sur l'histoire d'un travelot, moi ça fait marrer. Je reste le jour Albert, la bonne âme et la nuit. Non, je ne suis pas Superman, je m'arrobe et je viens la reine de Pigalle, plongée dans les cabarets, habillée en femme. Ouais, ouais. Il y en a d'autres, il y en a d'autres de prévus. C'est prévu, hein, vous fatiguez pas. Celle-là vous concerne tous. De près ou de loin, non, c'est pas les méchants vous concernent aussi, mais...